Section 24 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, troisième partie, Les Arts, suite, par Eugène Mounce et Henri Lavoie. La peinture. Les architectes gothiques avaient créé le style le plus souple et le plus fouillé qui fût jamais. Les sculpteurs avaient atteint à une liberté et à une hardiesse, on devrait presque dire à une dislocation, telle qu'il était impossible de les pousser plus loin, du moins pour les parties drapées, car l'étude du nu ne se développa que longtemps après. Dans la peinture, le progrès est infiniment moins sensible que dans la sculpture. Ce n'est pas la seule fois que nous verrons les statuaires précéder les peintres et leur tracer leur voie. Le même phénomène se renouvellera à l'aurore de la Renaissance, en Italie, aussi bien que de ce côté des monts. Donatello et Ghiberti ont annoncé Masaccio, comme Klaus Luther a annoncé Levan Eyck. Et de même, lorsque la Renaissance pénétrera dans notre pays à la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle, nos sculpteurs, depuis Michel Colombe jusqu'à Jean Goujon, devanceront et distanceront les peintres contemporains. La place réservée à la peinture murale par l'architecture gothique était d'ailleurs des plus limitées, en raison du fractionnement indéfini des surfaces. À peine des bandes étroites régnaient-elles entre les arcades du premier ordre et le triforium. Ainsi s'explique comment cette branche, si florissante pendant la période romane, qui lui attribuait de vastes emplacements, déclina pendant la période gothique. L'invasion de la peinture sur verre limita encore son rôle. La période comprise entre la mort de Saint-Louis et la mort de Louis XI n'a donc pas à nous offrir des cycles de peinture murale comparables à ceux que Giotto et son école créèrent à Florence, à Assise, à Padoue, ni même à ceux qui avaient pris naissance en France pendant la période romane, entre autres dans l'église de Saint-Savin. Seul Avignon, à moitié inféodé à l'Italie, s'enorgueillit, ainsi que sa voisine Villeneuve, d'un ensemble des plus importants, exécuté soit par le siennois Simone Martini, mort en 1344, soit par ses disciples, parmi lesquels Matteo Giovannetti ou Giovanotti de Viterbe, s'assura le premier rang. Il faut ajouter que nulle part ailleurs, les productions de la peinture, depuis les fresques monumentales jusqu'aux tableaux de chevalet, n'ont été aussi maltraitées qu'en France. Que notre pays comptât au XIVe siècle des peintres nombreux, que bon nombre de ces peintres fussent célèbres, que des compositions considérables prissent naissance, nous le savons surabondamment par les documents écrits. Mais la fatalité qui s'est attachée au monument même nous permet à peine de deviner quelle était la valeur de ces productions. Abstraction faite des compositions purement ornementales, il n'existe plus guère que les fragments plus ou moins ruinés, récemment mis en lumière par messieurs Gélis Didot et Lafilé. La peinture subit d'abord le contre-coup de la révolution opérée en Italie par Giotto. Nous en avons pour preuve l'appel adressé par Philippe le Bel à plusieurs peintres romains, qui résidèrent en France de longues années, de 1308 à 1322 environ. Philippe Rossuti, son fils Jean et un certain Nicolas Desmars. Puis l'action si décisive, exercée par le siennois Simone Martini, le chef de l'école groupée à Avignon autour de Benoît XII et de Clément VI. Mais bientôt les infiltrations flamandes prirent le dessus. Si André Beauneveu ne semble avoir été employé par Charles V que comme sculpteur, un autre flamand, Jean ou Hennequin de Bruges, travailla pour le roi en qualité de peintre et d'enlumineur. Ce fut lui qui illustra la traduction de la Bible, conservée aujourd'hui à La Haye, au musée Mehermano Vestreinianum, 1373, et qui plaça sur le frontispice un portrait de Charles V. Remarquable comme caractéristique, quoique tout l'effort y ait été concentré sur la tête, et que le reste du corps soit traité dans une donnée véritablement conventionnelle et arbitraire. Jean de Bruges peignit en outre les cartons de tapisserie de l'Apocalypse que le duc d'Anjou offrit à la cathédrale d'Angers. Ces tapisseries manquent de toute netteté dans la conception et de toute harmonie dans l'ordonnance. Les types sont généralement laids. L'architecture conventionnelle, un édifice par exemple, n'est guère plus grand qu'un personnage. Elles ont cependant de la tenue et de la conviction, et certains motifs de draperie y sont fort élégamment développés. Parmi les peintres français employés par la cour, les plus marquants étaient originaires d'Orléans. Au siècle suivant, ce fut également sur les bords de la Loire, à Tours, que naquit, vers 1415, le plus grand d'entre les peintres français antérieurs à la Renaissance, Jehan Fouquet, mort vers 1480. Un voyage entrepris en Italie vers 1440 le familiarisa avec le courant d'idées de la Renaissance, et dès lors il fit alterner des ornements plus ou moins inspirés de l'antique avec les frais et piquants motifs que lui fournissait la réalité. Aujourd'hui, cet artiste véritablement supérieur est surtout connu par les miniatures du Livre d'heures d'Étienne Chevalier, vers 1455. L'illustration du Bocace de la Bibliothèque royale de Munich, 1458, celle des Antiquités judaïques de notre Bibliothèque nationale, vers 1470, et enfin quelques peintures d'un grand caractère complètent son œuvre. Parmi celles-ci, le retable de Melun et le portrait de Charles VII au Louvre montrent un véritable tempérament de coloriste. Bon nombre de tableaux français du XVe siècle ont été longtemps inscrits à l'actif des Flandres. Dans ces dernières années, les découvertes faites dans les archives ont restitué à notre pays la paternité de plusieurs œuvres remarquables, inspirées, il faut d'ailleurs le reconnaître, des modèles créés à Bruges, à Gand, à Bruxelles ou à Louvain, par les frères Van Eyck, Rogier van der Weyden ou Thierry Boutz. Tels sont les tableaux de Nicolas Froment d'Avignon, l'auteur de La Résurrection de Lazare, 1461, au Musée des Offices, et du Buisson Ardent, 1475, à la cathédrale d'Aix-en-Provence. Ce qui domine dans les ouvrages de Froment, c'est l'observation rigoureuse et un peu terre à terre des modèles fournis par la nature, sans que l'auteur s'élève toutefois soit à la puissance de réalisme ou à la puissance de coloris propres aux Van Eyck, soit au suave mysticisme de l'école de Cologne. Malgré l'intérêt de ses compositions et de diverses autres, c'est dans les branches accessoires, miniatures, peintures sur verre, tapisseries, qu'il faut chercher pour le XVe siècle comme pour le XIVe les manifestations les plus importantes de la peinture française. La miniature s'était longtemps confinée dans des compositions rigoureusement décoratives, dont le sévère encadrement architectural rappelait l'ordonnance des verrières contemporaines. Dans la Bible de Charles V, au musée Westrehen, à La Haye, les compositions ont encore quelque chose d'hiératique. Vers la fin du XIVe siècle, les enlumineurs rompent enfin ces entraves. Les fonds unis aux guillochets cèdent la place à des paysages. Les couleurs conventionnelles à des teintes plus ou moins nuancées. La figure humaine, enserrée et étouffée par le cadre architectural, reprend toute son importance et toute sa liberté. Dans le plus beau spécimen de la fin du XIVe ou du commencement du XVe siècle, le Livre d'heures du duc de Berry, appartenant aujourd'hui au duc d'Aumale, l'affranchissement est complet. Il est impossible de dépeindre avec des paroles et la finesse prodigieuse du travail et la fraîcheur poétique des compositions, notamment des miniatures qui illustrent les travaux ou les plaisirs de chaque mois, les semailles, la fenaison, etc. On sent que les Van Eyck ont passé par là et qu'ils ont introduit dans la peinture une note nouvelle, une sève et un parfum de jeunesse incomparable. Vers le milieu du XVe siècle, la miniature prit plus d'extension encore si possible. C'est par milliers que se chiffrent ces productions. Forcés de nous borner à l'analyse d'un seul spécimen, nous citerons, outre les miniatures de Jean Fouquet, celle du roman « Le cœur d'amours épris ». Elles se font remarquer par l'originalité de la conception, la douceur du coloris et l'entente du clair-obscur. Les scènes sont pleines d'imprévus et de contrastes piquants. nous avons évidemment affaire à un peintre de profession et non à un amateur tel que l'était le bon roi René auquel on a parfois attribué ses compositions. La tapisserie ne jette pas moins d'éclat. Vers la fin du XIVe siècle, les ateliers de Paris, dirigés par des artistes tels que Nicolas Bataille, mort entre 1402 et 1406, et Jacques Dourdin, mort en 1407, éclipsèrent ceux des Flandres par l'abondance de la production, non moins que par la finesse du travail. Cette supériorité, toutefois, ne survécut pas aux dernières convulsions de la guerre de Cent Ans. Quoique d'intéressantes tentures continuassent à prendre naissance, soit à Paris, soit dans les provinces du centre, ce furent Arras et Bruxelles qui s'assurèrent, à partir de ce moment, le monopole de la fabrication en haute lisse. La peinture sur verre est représentée par un grand nombre de verrières superbes, dont l'encadrement conserve, malgré la richesse des couleurs et la souplesse de l'ordonnance, quelque chose de la sévérité propre au style gothique primitif. Tels sont les vitraux des cathédrales d'Évreux, du Mans, de Tours, de Metz, de la Sainte-Chapelle de Rion, de l'église de Saint-Ouen à Rouen, les fragments de la chapelle des Ducs à Bourges et de l'hôtel de Jacques-Cœur dans la même ville. Une autre branche de la peinture, l'émaillerie, subit un temps d'arrêt. Limoges, où la fabrication des émouches enlevées s'était ralentie vers la fin du XIVe siècle, ne reprendra son essor qu'un siècle plus tard avec les émaux peints qui remplaceront les procédés plus compliqués chers au Moyen-Âge. On voit combien d'éléments notre pays renfermait alors à l'état plus ou moins latent. Vienne le contact avec l'Italie, à laquelle tant de liens de parenté rattachaient la France, et notre art, sans cesser d'être français, prendra le plus brillant essor. Des rangs des vaillants maîtres d'œuvre et des vaillants tailleurs de pierre, les Jacques Morel, les Lemoiturier, les Michel Colombes, surgiront les grands artistes auxquels la Renaissance française doit son éclat, les Lescaut, les Delorme, les Bulland, les Jean Goujon. La France, pour un temps soumise aux influences du Nord, reprendra alors à la tête des nations latines cette place d'honneur, cette direction suprême du goût qu'elle n'a plus perdue depuis lors. Musique. Il semble que dans le progrès des arts, l'humanité entière procède comme un seul être humain. Son éducation paraît suivre à travers les siècles les phases diverses qui marquent l'éducation de l'artiste. Suivez l'enfant bien doué pour la musique. À peine ses études élémentaires sont-elles terminées, à peine sait-il solfier et lire, qu'avant d'avoir appris les premiers principes de l'art d'écrire, il improvise avec aisance. Les mélodies naissent sous ses doigts, nombreuses et faciles. L'harmonie même, sans être correcte, est parfois souple et agréable. Il lui semble qu'il n'a rien à apprendre et que cette sorte de spontanéité naturelle est à elle seule l'art tout entier. Puis vient le maître. Il tempère cette exubérance, il enseigne au jeune homme ce qui est bon et ce qui est mauvais, les règles qu'il doit suivre, les négligences qu'il faut éviter. Il lui apprend que tout n'est pas à garder loin de là, dans l'inspiration première. C'est alors que l'élève, plus instruit, sans se dessécher pour ainsi dire la source de son inspiration. Ces mélodies, si faciles autrefois, deviennent rares. La pensée est rebelle, le style même se hérisse et se contourne. C'est la période aride et terrible du travail, celle où se découragent tant de jeunes artistes. Les premières et douces fleurs printanières sont tombées et le fruit n'est pas encore formé. Ainsi se présente l'histoire de la musique en Europe à partir du VIIe siècle. D'abord, l'art balbutie quelques mélodies sans suite. Puis, le XIIIe siècle est comme l'éclosion de cette première jeunesse dont nous parlions tout à l'heure. C'est la mélodie, incomplète encore, mais facile, aimable, spontanée, qui domine dans l'œuvre des Trouvères. C'est comme le printemps du génie musical. L'art a marché, la langue musicale s'est formée, les musiciens devenant plus habiles ont pressenti, pour ainsi dire, en apprenant, combien il leur resterait à apprendre encore. Alors, pendant trois siècles, de la fin du XIIIe au XVIe environ, il se fait un immense et merveilleux travail. Les musiciens, plus grammairiens qu'artistes, ont fouillé les secrets de la musique, cherché les écritures compliquées, les accords difficiles, les combinaisons ingénieuses et souvent indéchiffrables. L'esprit scolastique de cette époque s'imposa aux compositeurs. La musique devint un chiffre, l'écriture un symbole, la pensée une combinaison. À ce moment abondèrent les traités théoriques, les lucidaires, les compendiums, tous aussi peu clairs les uns que les autres, mais tous curieux cependant. C'est là, en effet, qu'il faut chercher les origines du style moderne. Dès la fin du XIIIe siècle et aux premières années du XIVe, nous voyons la musique se constituer, pour ainsi dire, administrativement. L'art musical, un peu abandonné par les grands seigneurs, devint l'apanage des musiciens de profession. Ceux-ci, sentant le besoin de se soutenir entre eux, se groupèrent en corporations, et celle des ménétriers fut établie en 1321 par ordonnance royale avec un chef bien connu sous le nom de roi des ménestrels. Déjà, les faiseurs d'instruments avaient formé leur association en 1299. Même évolution se produisit en Allemagne, où les nobles chanteurs qui se disputaient le prix dans les tournois artistiques des Minnesänger à la Wartburg cédaient la place aux artistes ouvriers et bourgeois et à la corporation des Meistersänger qui tenait ses concours à Nuremberg. Au noble Tannhauser, au pieux chevalier Wolfram d'Eschenbach, avait succédé le médecin Henri Moglin, le maréchal Ferrand, Kanzler, et surtout le cordonnier Hans Sach, le plus illustre de tous. En dehors de cette corporation si célèbre, l'artiste de métier prenait la place de l'amateur, et sous son influence, la musique devait nécessairement se transformer. La partie technique prit plus d'importance, à ce point même qu'elle permit un moment d'oublier le vrai but de l'art, l'inspiration et l'expression du sentiment. Cette transformation se fit d'abord sentir dans l'écriture. La notation du XIIIe siècle est déjà la notation proportionnelle, et elle présente de réelles difficultés, mais celle qui lui a succédé et est restée en usage jusqu'au moment de l'invention de l'imprimerie est un véritable grimoire. Les signes de l'écriture deviennent de plus en plus nombreux et de moins en moins précis. Ils changent de forme, de place, de couleur, ils sont rouges, blancs ou noirs, suivant les altérations de rythme de la musique. Non seulement ils sont soumis aux lois d'une arithmétique compliquée, mais encore ils subissent tous les caprices de la convention. La musique est écrite en forme de croix, de vers à bois, d'animaux divers. C'est un rébus ingénieux dont la clé est souvent bien difficile à trouver. Si de l'écriture nous passons à la musique elle-même, nous retrouvons le même esprit. Fille des mélodies simples qui ont réjoui les trouvères du XIIIe siècle. La musique n'est digne de ce nom qu'à la condition de se composer de plusieurs chants religieux et profanes, habilement enchevêtrés les uns dans les autres. C'est le début du contrepoint, dont le nom apparaît au commencement du XIVe siècle. Dans la période précédente, les musiciens s'étaient déjà exercés dans ce genre, mais à l'époque qui nous occupe, l'invention mélodique n'est rien, l'art d'entrelacer artistiquement les sons est tout. C'est alors que l'on voit poindre le canon, c'est-à-dire la combinaison de deux ou plusieurs mélodies superposées et exécutées ensemble, suivant des règles convenues. Au canon succède bientôt la fugue, avec toutes les variétés du contrepoint, science difficile, mais à laquelle nous devons le style de nos grands maîtres. On retrouve encore parfois des mélodies seules et des chansons populaires à cette époque, mais ce sont les compositions polyphoniques qui sont les plus nombreuses. Et nous assisterons à une nouvelle évolution et à un nouveau progrès de la musique lorsque vers la fin du XVIe siècle et au commencement du XVIIe, les musiciens fatigués de tant de science reviendront au chant simple de la monodie. Les monuments de la musique sont moins nombreux pour le XIVe siècle que pour le XIIIe, mais à partir du XVe, les compositions écrites abondent de tous côtés. Parmi les plus beaux manuscrits musicaux du XVe siècle, il faut compter le roman de Fauvel, qui appartient à la Bibliothèque nationale, et le manuscrit de Guillaume de Machaut, de la même collection. Citons encore, parmi les plus riches documents, le manuscrit dit de Roquefort, qui contient spécialement de la musique italienne, et un autre recueil de chansons françaises, Bibliothèque nationale Nouveau Fonds, 12744. Au XVe siècle et au début du XVIe, les œuvres écrites sont nombreuses, mais il est bon de citer un splendide manuscrit de chansons françaises appartenant au duc d'Aumale, celui dit de Marguerite d'Autriche, à la bibliothèque de Bruxelles. À Munich, le recueil de madrigaux et de motets magnifiquement copiés et enluminés en 1562 par ordre de l'archiduc Albert de Bavière sous la direction du célèbre Orlando de Lassu. Cet admirable manuscrit suffirait presque à lui seul pour donner une idée de ce que fut la musique du XIVe au XVIe siècle. En effet, il contient les compositions les plus caractéristiques de cette époque, les messes à plusieurs voix dites messes musicales, et surtout des madrigaux. Le madrigal est en musique un genre tout spécial de composition polyphonique, dont il nous faudra parler plus au long du XVIe siècle, car les plus grands maîtres l'ont cultivé. Les messes musicales où le texte sacré est singulièrement marié à des paroles profanes, où la chanson populaire se fond avec le chant liturgique, furent aussi bien caractéristiques, et leur vogue dura presque jusqu'à la fin du XVIe siècle. Seule l'influence de Palestrina et de son école les fit définitivement disparaître. Cette musique, si peu religieuse cependant, trouvait sa place à l'église, tandis que les chansons, les madrigaux, avaient grand succès chez les princes et dans les fêtes publiques. On les chantait et on les jouait sur des instruments dont la variété était immense. L'art populaire, qui avait pris un si grand essor avec les mystères des XIIe et XIIIe siècles, avait perdu de son importance lorsque le théâtre était passé des mains des hommes d'église dans celles des laïcs. Les confrères de la Passion s'étaient chargés, d'après l'ordonnance de Philippe le Bel en 1302, de représenter les mystères. La musique parut un peu embarrassante et surtout dispendieuse aux membres de la confrérie. Ils la réduisirent au strict nécessaire. Puis les drames religieux furent abandonnés pour les moralités, sotties, et autres farces, et à partir de ce moment, la part du chant et de l'orchestre devint insignifiante. En revanche, l'art musical reprit son rang à la cour des rois et des princes. Partout dans les couronnements, les fêtes princières, nous voyons de nombreux concerts, et à la fin du XVe siècle, en 1475, on joue en Italie un Orfeo d'Ange Politien, avec accompagnement de chants et de madrigaux à plusieurs parties. En 1487, c'est à Ferrare que le compositeur Niccolo de Correggio met en scène avec musique l'histoire de Céphale et l'Aurore. Nous ne sommes plus loin des premiers essais dramatiques qui donneront naissance à l'opéra. Dans ce rapide aperçu, nous avons cité peu de noms, et cependant la période qui nous occupe s'étend sur plus de 300 ans. En effet, au XIIIe siècle, les compositeurs abondent. Au XVIe, nous pourrons les citer en foule. Mais par un singulier caprice de l'histoire, les musiciens des XIVe et XVe siècles nous sont restés presque inconnus. Citons cependant au XIVe Marchetto de Padoue, Philippe de Vitry, Jean de Muris et surtout le célèbre Guillaume de Machaut, qui composa entre autres œuvres une messe pour le sacre du roi Charles V. Notons encore Guillaume Dufay, qui fut un des fondateurs de l'école franco-belge. En Italie, nommons Landino, autrement dit Francesco degli Organi ou Il Cieco, dont la réputation fut immense. Au XVe, nous voyons avec Dufay Gilles Binchois, Vincent Fauque et surtout Jean Ockeghem, dit le pilier de musique, et Jacques Obrecht, maître l'école franco-belge qui brillera d'un si vif éclat au siècle suivant, et d'où sortiront les maîtres de Josquin des Prés, Clément Jeannequin, etc., sur lesquels nous devrons nous arrêter plus tard. Avec les dernières années du XVe siècle, nous sortons de ce que l'on pourrait appeler les limbes de la musique. Les musiciens du XVIe sont nombreux et connus, l'imprimerie a vulgarisé leurs œuvres, plusieurs comme Palestrina, Josquin des Prés, Goudimel, etc. sont encore joués aujourd'hui. Nous verrons bientôt la mélodie se dégager de la polyphonie chère aux harmonistes primitifs, nous assisterons à la naissance de l'opéra, et partant de la musique lyrique moderne. L'ère de préparation et de formation est passée, les efforts si laborieux des musiciens des XIVe et XVe siècles n'ont point été inutiles. Leur immense travail a porté ses fruits, l'élève s'est formé lui-même, sa science est acquise, et avant peu il sera passé maître. À partir de ce moment, la musique tiendra dignement sa place aux côtés des autres arts. Fin de la section 24.